viens de loin d'ici. Je peux choisir la neige et l'altitude. Et c'est mon dernier choix. Et le soleil se lève. Viens, on y va, dans mes bras. Tu peux te laisser voler. Le soleil est très loin d'ici. Et moi aussi, viens, je t'emmène dans les c'est trop froid. Moi je suis la reine des neiges. J'habite au bout du monde. Non, ne me cherchez pas. Faites au milieu tour. Tomber dans un piège. Comptez les derniers secondes. Tomber dans la cage qui s'appelle l'amour. Je viens de loin d'ici, par un désir, changer mon existence. Et c'était froid et vide, le goût acide de l'air. Je viens de loin d'ici, et toi aussi, tu vois cette différence. Il faut tenir l'espoir, et dans le noir, y voir clair. Viens, je t'emmène dans les veines. Mais tu verras que pour toi, c'est trop froid, c'est trop froid. Moi je suis la reine des neiges. J'habite au bout du monde. Non, ne cherchez pas. Faites au million tours. Tomber dans un piège. Comptez les derniers secondes. Tomber de la cage qui s'appelle l'amour. Moi je suis la reine des neiges. J'habite au bout du monde. Non, ne cherchez pas. Faites au million tours. Tomber dans un piège. Comptez les derniers secondes. Tomber de la cage qui s'appelle l'amour. Je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige, je suis la reine de neige.